8-17, activation orale, possessif, mon, ma, mais. Regardez l'arbre généalogique de Mireille. Vous êtes Mireille. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Qui est Cécile? Et vous répondez. C'est ma sœur. 2. Qui est Marie-Laure? C'est ma sœur. 3. Qui est Madeleine Bello? C'est ma mère. 4. Qui est François Bello? C'est mon père. 5. Qui est Henri Potier? C'est mon oncle. 6. Et qui est Armand Bello? C'est mon oncle. 7. Qui est Paulette Bello? C'est ma tante. 8. Qui est Lucie Potier? C'est mon arrière-grand-mère. 9. Qui sont Paulette et Georgette Bello? Ce sont mes tantes. 10. Qui sont Armand et Guillaume Bello? Mes oncles. 11. Et qui sont François et Madeleine Bello? Mes parents. 12. Qui sont Sophie et Philippe Potier? Ma cousine et mon cousin.